France Inter. Frédéric Sigrist, on reste dans la culture mais très pop avec vous aujourd'hui. Oui, alors excusez-moi Charline, mais j'ai le sentiment que depuis le début de cette émission, on passe un peu à côté du sujet qui occupe l'actualité. Hein. Oui, depuis le début, on évite soigneusement de parler de l'éléphant dans la pièce. Moi, je me disais, l'équipe de C'est encore nous, c'est des badass, tu parles, une belle bande de charlots, oui. Hein, on évite vraiment d'aborder les sujets qui fâchent. On est là, tout mielleux, on fait genre la liberté d'expression, tout ça. Ça, pour faire des chansons qui énervent Eric Ciotti, les amateurs de corrida, les chasseurs, les cathos ou Nagui, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit de mettre un coup de pied dans la fourmilière, il n'y a plus personne. Donc, je vais le faire pour vous, vu que moi, je ne suis pas fait du bois dont on fait hors berger. Pourquoi qu'on parle pas de la sortie de Zelda Tears of Kingdom sur Nintendo Switch? Parce qu'on n'était pas au courant. Mais tout le monde est au courant. 6 ans, Charline. 6 ans qu'on attendait la sortie d'un nouveau Zelda. 6 ans. C'est un mandat d'Emmanuel Macron et 100 jours d'apaisement à peu près. Cette nuit, hein, à minuit, il y avait des files d'attente partout en France composées par des milliers de joueurs et de joueuses qui attendaient fébrile devant les boutiques de jeux vidéo dans l'espoir de l'acheter. À 12h12, il se l'était fait voler et il rentrait chez eux à pied parce qu'il n'y a plus de bus passé 22h. Tous les médias en ont parlé. Le Monde, Libération, BFM TV, Public Sénat. Ce soir, TPMP lance un débat. Link est-il le dead name de Zelda en pré-transition? Et nous bon, rien. Zelda Breath of the Wild, le précédent jeu sorti en 2014, s'est vendu à 30 millions d'exemplaires. Soit 30 millions d'exemplaires de plus que le livre de Bruno Le Maire sur les renflements brun dilatés. J'en ai parlé à Juliette et elle m'a dit « Frédéric, t'es qu'un enfant. » Alors, j'ai bien écouté tes chroniques sur tes auteurs torturés, Juliette. Hein. Mais si être un adulte et passer de ses journées en thérapie à parler des traumas d'enfants, eh ben, je préfère être un gosse. Et puis, me lancer pas sur les vertus du réel. Hein. Parce que le réel, où je vais devoir bosser jusqu'à mes 75 ans pour rembourser une baraque que mes gosses seront obligés de revendre, pour pouvoir me foutre dans un EHPAD Orpea, où on changera mes couches confiance les années bissextiles, alors là, non merci, va te faire cuire le cul le réel. Hein. Moi, je vous le dis, vos 49.3 et vos réformes des retraites, je vous les laisse. Pour les 6 mois à venir, je retourne sauver Zelda au royaume d'Hyrule et basta. Là-bas, il n'y a pas de réseau. C'est des paysages magnifiques où il n'y a aucun panneau de signalisation, aucune aire d'autoroute où on te vend des sandwichs triangles au prix d'un iPhone. Juste un monde ouvert où on demande aux joueurs de porter le regard sur l'horizon et d'y aller. Dans le monde de Breath of the Wild, tu cuisines les aliments que tu trouves sur ton chemin. Et si t'es végétarien, t'as pas des associations de parents d'élèves carnivores qui vont venir dénoncer un terrorisme écologique parce qu'on a servi du tofu à Lubin jeudi matin. Scandale ! Non, dans Breath of the Wild, t'es libre d'avancer à ton rythme et même de t'arrêter pour contempler le paysage. Dans le monde réel, on n'arrête pas de parler de fermer de frontières. Dans Breath of the Wild, on te demande de les explorer. Alors vous allez me dire, mais enfin Frédéric, parce que j'aime bien faire des voix comme ça. Enfin Frédéric, mais pourquoi tu ne vas pas en forêt pour le faire? Alors déjà, si le confinement nous a bien appris un truc, c'est qu'énormément de gens n'ont plus accès à des espaces verts. Ce qui nous fascine tant dans le cinéma de Miyazaki ou dans les étendues aquatiques de James Cameron, c'est cette nature originelle auquel on n'a plus accès. Ces forêts et ces plaines d'Hyrule dans Zelda, elles n'existent plus, Charline. Le chanteur Dominique a dit « Rendez-nous la lumière, oui, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau, mais nous l'avons gâché. » Et il a raison. Les forêts, elles sont clôturées, délimitées, encadrées par des routes empruntées par des tonnes de camions en train de nous livrer la dernière tablette ou le dernier Zelda. Paradoxe de l'époque. Jouer à Zelda, en fait, c'est toucher du doigt le principe de sérendipité, Charline. On trouve tout simplement ce qu'on ignorait même chercher. Frédéric Sigrist, vous parlez tellement bien des jeux vidéo, je pourrais presque m'y intéresser. Ouais. Merci beaucoup Frédéric. Et je signale d'ailleurs qu'il y a un blockbuster, votre magnifique podcast, sera consacré, bien sûr, à Zelda. Il sort quand ce podcast? Jeudi prochain. Voilà, une semaine après la sortie du jeu, parce qu'on ne fait rien. Très bien. Abonnez-vous. Merci Frédéric.